I'll do it over again. I didn't want it to end. Now watch it blow in the wind. I should've listened to my friends. Leave this shit in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made heartbreak. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break again. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. Allez, mercredi matin sur Énergie, c'est Cédric. Salut, salut. On attaque le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie, le meilleur de Koé, de Mickaël et du Rico Show. Et comme d'hab, on se fait la playlist Énergie, il est 4h. Sur Énergie, salut tout le monde, j'espère que tout va bien ce matin. On est mercredi aujourd'hui, on est le 12 septembre, c'est le meilleur de Mickaël là sur Énergie, c'est en direct tous les soirs à 23h. Là, c'est le meilleur de l'émission et on assiste à une cour dans le tribunal de Charleroi en Belgique. Alors, tout ce que vous allez entendre dans les 3 minutes qui viennent est absolument vrai, écoutez. Et nous allons faire un tour du côté du tribunal. Ah. Et oui, nous allons faire un tour du côté du tribunal de Charleroi pour un juge, pour un juger un délit grave avec évidemment, bon, notre nouveau juge qui est là depuis la semaine dernière. Vous êtes poursuivi pour défaut de contrôle technique, un défaut d'immatriculation et par ailleurs pour avoir franchi la ligne blanche continue, monsieur, voilà. Voilà, voilà, mais évidemment, forcément, il a une excuse très simple. Je conduisais mon enfant à l'école, monsieur, j'étais sur le... Je conduis pas n'importe comment, monsieur. Bah, je sais bien, monsieur, mais vos policiers aussi sont comme des charognards. Là, ils attendent comme des corbeaux. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Eh ben voilà, c'est la faute de la police. C'est bah, lui, évidemment, il a rien. Charognard. Mais oui, il a rien fait, lui. Comme c'était blindé, je suis retourné en bas. Ils m'ont attrapé là en bas en disant j'ai défoncé une ligne blanche, barrière et tout. Ils parlent de tout, je sais pas, j'ai rien fait de mal et ils se mettent à girofarder. Ah ben voilà, il a rien fait de mal, le pauvre. Comme toujours, évidemment, devant l'épreuve. Bah ça devient un petit peu plus difficile à tenir. Hein. Le conducteur franchit la ligne blanche continue et circule sur la piste cyclable afin de remonter par la droite en file de véhicule tournant immobilisé. Je m'excuse, monsieur. Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. Hein. Je suis en tort 100%. Ah ouais, mais il y a deux secondes, il n'avait rien fait. C'est bizarre quand même. Il y a deux secondes, il n'avait rien fait. Et puis bon, bah ouais. Forcément, et bon, il faut dire aussi qu'il est déjà connu du tribunal, hein, et pas pour des problèmes de circulation. Hein. Vous savez, si vous êtes nerveux sur la route comme vous êtes nerveux ici, ouais. Il n'est pas bon d'être sur votre chemin. Voilà, exactement. Vous savez pas que vous avez été condamné pour d'autres choses. Ah ouais, j'ai tenté de meurtre, tenté d'assassinat, j'ai voulu brûler toutes les églises de la Belgique, j'ai voulu, mais... Eh ben oui, mais il a été mis en prison avant, heureusement d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire. Mais pas lui. Moi, je commence à avoir la haine, monsieur, de toute la justice et de tout cinéma que vous faites, de tout ce que... Je sais pas, moi, j'ai l'impression d'être un petit jouet dans votre petite monnaie de... Non, là, il a complètement vrillé, lui, hein. On a perdu complètement, là, ça va. Bon. J'espère que la peine ne sera pas trop sévère, évidemment, sinon bah, ça va encore plus énerver et on risque de le retrouver très prochainement. Très prochainement. En tout cas, le juge est moins drôle que celui d'avant. Il a l'air d'autre temps, celui-là, quand même. Ouais, ce que j'allais dire. Non, mais il a l'air un peu. Il a l'air d'avoir des problèmes avec l'alcool aussi. Oui, et ben, j'allais te le dire aussi, effectivement, qu'il a pas l'air clean. Mais enfin, bon. Ouais, mais bon, tu sais, il doit peut-être prendre pour oublier tout ça, hein, quand il voit les mecs qui reçoit. Ouais, ça, c'est possible aussi, ouais, c'est vrai. Le pauvre, ça doit être dur pour lui. Ah, bah, complètement. 01 40 71 5000. Mickaël sur NRJ. Mickaël. Dès 23h, du lundi au vendredi. We're gonna ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We're gonna ride till we fall. When we hit the bottom. Speak our language, they say we're too sad. J'espère que tout va bien. C'est Cédric sur Énergie. Bon réveil tout le monde. Ouais, on se fait la playlist Énergie avec tous vos hits préférés jusqu'à 6h, jusqu'au retour de Manu dans 6-9 sur Énergie en direct. Remarquez, il va aussi la passer, il n'y a pas de souci. En attendant, c'est le meilleur du Rico Show. 20h, 23h tous les soirs sur Énergie. Là, c'est le best-of. Le podcast du Rico Show. 20h, 23h sur Énergie. Vous l'attendez depuis des mois. Depuis les vacances, elle n'a pas remis la truffe dans le studio. Sarah Dubled a parodié les titres des plus grandes stars. Elle a fait des millions de vues sur YouTube. Et aujourd'hui, elle se lance dans l'actu. Rien que ça, le bled de l'actu. Envie d'une actu chaude comme la chorba? Yalla, c'est du bled actu. Sarah Dubled. Qu'est-ce qui se passe, Massa? Bonsoir, alors déjà tu me parles pas sur ce ton, pourquoi il n'y a pas de star? Ah oui. D'habitude quand je viens il y a des stars. Comment c'est les vacances? J'aime pas être la seule star, je vous fais de l'ombre. Déjà ça j'aime pas. Bref, je te préviens, je suis vénère, je suis venue d'urgence. J'ai appris une news en lisant Gazelle Magazine. Ouais. Apparemment déjà Adil Rami fricote avec Pamela Anderson, faut savoir que c'est mon ex. Ah, oh. Adil, c'est moi qui l'ai lancé. Bah, il a démarré bas. Et apparemment Pamela Miskina, elle a écrit une lettre où elle dit qu'il mérite une femme plus jeune et blablabla. Bla, bla. Oui, oui, il mérite une fille plus jeune. 20 ans d'écart, c'est quoi ça 20 ans d'écart? Ouais. C'est comme si moi je pêche au lune-une là, Sylvain. Ah. Ouais. T'imagines le vieux là. C'est pas mal, il est encore bien conservé. Il est dégueulasse, ah, il est dégueulasse. D'accord. Bref, donc j'ai appris qu'ils allaient se marier, je suis quand même gentille, j'ai fait une chanson pour leur mariage. D'accord. Voilà. Dédicace à ramener la coupe à la maison. Voilà, et ça va s'appeler ramener la vioque à la maison, c'est gentil. Ah oui, ça va leur faire plaisir. C'est dur, hein. Ouais. Ça va, c'est gentil. C'est vrai qu'elle est plus âgée. Mais vioque chez moi, ça veut dire gentil. D'accord, ok. Ah. Allez, ramener la vioque à la maison, voilà. Sarah Dubled, c'est le Bled Actu sur Énergie jusqu'à 23h, on y va. Allez. Yalla. Pécho Pamela comme Adil Rami. Pécho de la cougar comme Adil Rami. Pécho Pamela comme Adil Rami. Pécho de la cougar comme Adil Rami. Ramenez la vioque à la maison. Allez le bleu, allez 20 ans d'écart, t'es un champion. Adil Rami, oh, occupé avec les seins de qui? Pamela, oui. On l'a pas vu sur le terrain, qui ça? Adil Rami, oh, occupé sur la pelouse de qui? Pamela, oui. Ramenez la vioque à la maison. Allez, le bleu, allez. 20 ans d'écart, t'es un champion, et Allah. Allez, le bleu, allez. Ramenez la vioque à la maison. Allez, le bleu, allez. 20 ans d'écart, t'es un champion. Trouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h sur Énergie. Le pire, c'est pas la méchanceté des âmes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans, assombrir ma vision. Pourtant le soleil est présent, les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait, mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je me rassois sur le divan, toujours la télévision, obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge des sens. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet,

Salut, ça va? Ouais, je te sens bien péchu, toi. Ouais. Hein. Il était pas dans la même salle que la demoiselle d'avant. C'est ça, c'est ça. Eh ben, tout d'abord, c'est un grand honneur de t'avoir au téléphone ce soir. Ah ben, merci. Voilà. Je suis un grand fan depuis le début, c'est-à-dire le début des années 2000, voilà. Ah ouais, exactement. Mon fils de 3 ans, il est fou de toi, il danse sur ta musique. Ah, ça, c'est cool. Voilà. Non, j'ai encore des clients dans les années qui viennent. C'est ça. Ouais. Ça va devenir passage. Tu vas passer des générations, David. Mais ça y est déjà. Là, mais ça y est. Les parents qui filent aux enfants. Ah, mais un truc de... Ça y est. C'est dingue. Moi, j'ai vécu ça la dernière fois. Ça m'a mis un petit coup. Je ne sais pas toi comment tu le prends. C'est comme le claquage quand t'as sauté dans la piscine. Putain, mais ne dis pas tout. Comment il balance. Non, mais il y avait un monsieur qui était dans l'entrée d'énergie, qui était chauve, qui a amené son fils. Et il m'a dit, mon fils est fan de vous. Je lui ai dit, c'est gentil. Il m'a dit, mais moi, je vous écoutais quand j'étais jeune. Ah, mec, j'ai pris un coup. Oh, oh la vache. Reclaquage, reclaquage. Le volet, là. T'as 29 ans, Koé. Comment? T'as 29 ans, Koé, pourtant. Absolument. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je t'écoute. T'avais une question, Nassab? Alors, voilà, ma question, c'est est-ce que t'arrives à te reposer avec toutes ces dates, David? Et combien d'heures tu dors la nuit, quoi? Parce qu'il a une bonne tête. Hein. Alors, je vais te dire, je travaille tout le temps, mais. Il y a un truc sur lequel je suis intransigeant, c'est de dormir 8 heures par jour. Oh, ça, c'est donc bien. En fait, et tout le monde le sait dans mon équipe, c'est-à-dire que je suis toujours dispo, je dis toujours oui pour tout. Mais il faut dormir 8 heures. Mais il faut dormir 8 heures. Et si ça tombe pendant le 7, bah, c'est pas grave, tu dors 8 heures quand même. Ouais. 8 heures de sommeil. Ah, mais c'est bien, ça permet. Non, mais vraiment. C'est-à-dire, c'est. Ouais. Mais parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je suis pas du tout efficace si je dors pas. Je t'embrasse, mon Deseb, je t'embrasse fort. Et je voulais savoir aussi, tu as vraiment 50 ans parce que. Bah, ouais, c'est sympa. Non, en fait, je fais semblant. En fait, j'ai 30 ans, je me fais passer pour un mec de 50. Ah, pour lui qui. En tout cas, j'aimerais être comme toi à 50 ans. Ben c'est sympa, ouais. C'est sympa. Ouais. Beau gosse, hein. Bah ouais, c'est pas... Merci. En fait, il ment, il a 30 ans, mais c'est ça, il veut, parce qu'il veut avoir des places assises dans le bus. Donc il fait croire qu'il est plus vieux. C'est voilà. Bon ça. Gros bisous, Seb. Allez, Seb, tu es où, toi? Je suis à Nancy, je te l'ai dit. Et nous, on est où? Et nous, ah, on mais est où? Sois sur le coup, il te l'a dit à déjà. Paris. Et nous, on est où? À Paris. Non. Hi, Ibiza. Bon, c'est fini ce bordel. Je préviens, si ça fout le feu à l'immeuble, je dis que c'est David Guetta. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. I really wanna know if des villes ou enfant des fois, on se fait tous une île pour aller bien à l'horizon. Pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête. Pour oublier, pour oublier, pour oublier. Il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé. Danser, danser, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé. Danser, danser. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, j'espère que tout va bien ce matin. On est mercredi, c'est une belle journée qui va démarrer. On va parler dans la météo tout à l'heure, mais pas mal de soleil, ça c'est cool. En attendant, pour attaquer cette journée, on sait le meilleur de Mickaël, 23h, 3h chaque nuit sur Énergie. Et dans l'émission, on parlait des femmes qui ne portaient pas de soutien-gorge. Et Karine, une auditrice, est venue nous en parler, c'était il y a quelques jours là sur Énergie, écoutez. Karine qu'on va récupérer, t'es là Karine? Oui. Bon, très bien, alors Karine qui nous avait appelé parce que bah toi non plus, visiblement, tu ne portes pas de soutif, c'est ça? Je porte pas du tout de sous-vêtements. Mais comment ça? Pourquoi? Ah ouais. Parce que je suis plus à l'aise. Oui, non, mais d'accord, ok, mais. Ouais, c'est-à-dire que. Plus à l'aise, bof, hein, dans un jean, je suis pas sûre. Hein. Ouais, c'est ça, tu mets un jean, ça et doit quand même râper, non? Et quand tu cours? J'ai souffert de problèmes féminins quand j'étais depuis l'âge de 15 ans. Ouais. Et je me suis rendu compte eh ben, que finalement, j'ai plus de problèmes depuis que j'en ai plus. Alors les soutiens-gorge, ça fait des années et des années parce que j'ai eu 4 enfants, donc j'avais une très grosse poitrine. Je me suis fait opérer d'ailleurs. Combien? Combien? Du combien? 117. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. Cauchemar. Comme foutre, fils de. Pardon. Oh là là. Ah oui, non, mais là ouais, j'imagine. Ah ouais, ouais. Non, mais d'ailleurs, après l'opération, mon mari m'avait dit que je m'étais même redressée. Ah oui, bah, j'imagine. Mais attends, mais ça doit peser, ça devait peser une tonne. Oui, oui, oui, c'est très lourd et puis c'est très. Bah, c'est très gênant, très encombrant, on peut l'imaginer. Ouais, ouais, ouais. Bah oui. Et moi, là, vous venez d'avoir un message là, d'une jeune femme qui dit qu'elle travaille avec des hommes. Je suis chauffeur super lourd, donc je ne travaille qu'avec des hommes. Ah oui, d'accord, ok. Et malgré tout, tu fais. Et, okay. Et aujourd'hui, tu fais combien? C'est quoi la taille de ton soutif? 95B. Ah oui, oui, oui, t'as quand même enlevé pas mal, quoi. Mais je crois qu'avec un 95B, oui, tu peux te permettre, si ça tient bien, de travailler sans. Ça se voit pas forcément, sauf si tu pointes. Alors évidemment, là. Oui, mais bon, et quand bien même. Bah, Bah oui, c'est non, je dis juste. Non, c'est pas, ouais, c'est, pas voilà, non, c'est pas grave. Quand bien même, c'est exactement ça. Je m'en fiche moi également. Je suis à un âge où mon bien-être passe avant le bien-être des autres. Donc si moi je me sens bien, ce que les autres y pensent, je m'en fiche. Ah oui, ah, bah, t'as bien raison. Présidente, mais t'as bien raison, Karine. Ah, en fait, t'es mounette. T'es pas la merde. T'es pas la merde d'Amina, non? Non, ah. Mais je pourrais parce que c'est tout à fait mon style de vie. Non, c'est Ah, casse-couille, tout ça. J'ai une grosse, grosse opération où j'ai failli y rester. Ah oui. Et du coup, je prends la vie très, très cool. Oui, c'est, ça n'a rien à voir. Oui. Bon. Je fais ce que j'ai envie de faire. Donc, ok, mais t'as bien raison. Si les gens, ça leur plaît pas, bah, qu'ils regardent ailleurs. Bah écoute, t'as bien raison. Bah écoute, merci Karine d'avoir appelé. Voilà. Mais de rien. Et tu rappelles quand et tu veux. Merci, parce que je roule de nuit. Là, je suis en train de rouler. Ah, t'es en camtar. Ah oui, c'est une routière. Enfin, je pense qu'on dit routière. Oui, c'est quoi tu étais avec quoi là? T'es en quoi? Je suis en Mercedes. Mais quel t'es frigo, bâché? Je suis en. Non, je suis en bâché. D'accord, ok, très bien. Donc t'es une pile à piste d'après les frigos. Ouais, bon, bon, il n'y a pas de souci. J'entends souvent la guerre entre les frigos, les bâchés. Mais ouais. Les caristes. Bon, allez. Ça se passe au-dessus de la tête. Mais t'as bien raison, Karine. Je te fais des gros bisous. Tu nous rappelles quand tu veux, d'accord? Merci, au revoir. Salut, allez, à bientôt, ciao. 01 40 71 5000. Mickaël sur Énergie. Mickaël. Dès 23h, du lundi au vendredi. So just when the world's saying they got no hope, here comes the love, we got audio. I'm flying high, superhero, S on my chest with my Marilyn Monroe, feel like a star, cause we got audio. I'm the only one. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. For the one, what bitch you looking at the one? I'm the best yet, and yet my best is yet to come. Cause I've been looking for somebody, not just any fucking body. Don't make me catch a body, that's for any and everybody. Oh my god, she hit me up all day, get no response. Bitch, you blow my heart, that's like turning gold to bronze. Roll my eyes, and when she on the molly, she a zombie. She think we clad in Bonnie, but it's more like Whitney Bobby. Got for record, I know Colin. Truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. One. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know? Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, j'espère que toi bien. On se fait le meilleur d'énergie là jusqu'à 6h, jusqu'au retour de Manu dans 6-9 sur Énergie. Ça c'est pour le matin et le soir des 20h. C'est le Rico Show avec Émeric et avec toute l'équipe. Et voici ce qui s'est passé hier soir sur Énergie. Vos grands-parents sont tendres, attentionnés, généreux. Eh bien les nôtres sont insupportables. Qu'est-ce qu'il a dit ce pauvre type? Papy et mamie sont dans le Rico Show. On y va. Oui, c'est parti. On appelle et vous allez voir qu'ils sont insupportables ces deux-là. C'est parti. 118-218. Oui. On cherche. Allô. Bonjour. Oui, oui, bonjour. Nous cherchons dans le Luberon d'anciens amis. À nous avec mon mari. Alors le nom c'est Patrick. Quel est le nom de famille? Le quoi? Le nom de famille. Aïe, nous ne sommes pas de sa famille, madame. Non, pas du tout. C'est des amis, madame. Madame, s'il vous plaît. Vous demandez Monsieur Patrick, c'est ça? Oui, vous m'entendez, madame, je reprends la ouais, conversation tiens, parce que conversation. Mon idiote de femme, là, est un peu sourde. C'est toi l'idiot? Oui, madame. Oui. Alors, vous demandez si on est de la famille de Patrick? Non, c'est pas ça, monsieur, j'ai pas demandé ça. Ah, si, c'est elle qui a appelé. Si on est de la famille, c'est ça, madame? Non, c'est pas ça, je demande de l'assistance. Ah, vous voulez de l'assistance? Bonsoir, merci d'avoir patienté pour la communication. Oui, bonsoir. Bonsoir, nous avons eu au téléphone cette peste de bécasse. Dame. Calme-toi. Oui, c'est une bécasse. Et nous avons essayé de la voir au téléphone et elle nous a demandé si nous étions de la famille de la personne que nous essayons de joindre. Monsieur, vous êtes avec l'annuaire téléphonique. On n'a pas d'annuaire. Nous n'avons pas d'annuaire, monsieur, c'est pour ça que nous vous appelons. Très bien, vous souhaitez l'annuaire à l'instant, je vous prie. Non, monsieur. Oh, monsieur, vous êtes là. Oui, j'ai pas compris votre demande. Oui. Nous n'avons pas d'annuaire. Et quelle est votre demande exactement? Vous avez des renseignements téléphoniques, monsieur. Monsieur, non, c'est oui. On est chez nous Patrick. Traitons un kilo de côte de bœuf. Voilà, pauvre Dan. Comme d'habitude. L'enseignant. Quel est le nom de l'établissement qui vous sert le... faut tout faire. Le bœuf. Le bœuf. Ah, oui. là, pauvre Dan. Mais nous ne voulons pas d'œuf. Vous voulez pas d'œuf, très bien. Non, du bœuf. Est-ce que je peux avoir le nom du restaurant? Attendez, le restaurant? Oui. Mais nous ah, c'est toi, Gérard. Oh, le Gérard. Gérard, mais nous ne voulons pas venir manger, Gérard. Non, pas ce soir. Comment tu vas, ma vieille bavette? Oh, arrête. C'est bien, vous vous êtes trompé de numéro de téléphone, vous êtes avec les renseignements. Où sommes-nous? Nous ne sommes pas chez le boucher. Non, monsieur, vous n'êtes pas chez le boucher. Oh, c'est peut-être nous qui sommes bouchés, monsieur. Je crois que c'est votre téléphone qui est bouché. On vous embrasse. Vous êtes sur Énergie. Quelle gentillesse, franchement, du baume au cœur, en ce lundi un peu galère. Ouais. Ça fait tellement de bien d'avoir de la bonne humeur et des gens gentils avec nous, de se marrer. Et c'est vrai, trop gentil avec il les personnes adorable, âgées. Très bah attends, par contre, ils nous ont quand même passé un deuxième gars, hein. Patient, mais pas trop. Parce que la première, elle nous sentait pas. Vos grands-parents sont tendres, attentionnés, généreux. Eh bien, les nôtres sont insupportables.

réveil tout le monde. Mercredi matin là sur Energy, c'est Cédric. Un bon réveil, on est le 12 septembre, c'est mercredi aujourd'hui. La playlist Energy en route avec tous vos hits préférés, plus le meilleur de Koé. 17h, 20h chaque fin d'après-midi sur Energy. Jusqu'à 10 000 euros à gagner hein, d'ailleurs tout à l'heure chez Koé dans Cash Cash Energy. Ça peut être cool. Vous envoyez vos coordonnées maintenant au 7-10-12. En attendant, voici ce qui s'est passé chez Koé sur Energy. 17h, 20h. C'est Koé sur Énergie. Prenons des nouvelles des autres David Guetta qui habitent en France. Ça, c'est très bon. On en a trouvé quelques-uns. Alors, le principe, il faudrait quand même qu'on les appelle pour savoir s'ils vont nous dire. On ne va pas leur dire, ils vont demander si c'est les vrais. On se doute bien que ce n'est pas les vrais. Oui. Mais au moins, est-ce qu'ils le vivent bien? Et puis, si jamais ils le vivent mal, ils n'en peuvent plus. Voilà. C'est toi qui t'excuses. Il faut dédommager. Bah, oui. Sinon, tu ne veux pas faire comme si c'était le vrai? Tu les bookes en soirée? Ben oui. J'ai à prendre des nouvelles. Merci, répond. Allô. Monsieur Guetta. Oui. David Guetta. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Koé. On est sur Énergie. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va très bien. Alors, on avait une question. On voulait vous poser. Est-ce que c'est des fois compliqué de s'appeler David Guetta? Je comprends pas tout, mais non. Non, non. Bah, est-ce que quand vous appelez David Guetta et qu'il y a un DJ célèbre qui s'appelle David Guetta. Mais peut-être qu'il sait pas. Ouais, non, mais on me l'a déjà fait, la blague. Eh ben, je vous passe David Guetta. Ça va? Bonjour. Bonjour, ça va? Bah, on est peut-être cousins, hein, mais je m'appelle aussi David Guetta. Vous êtes? Voilà. David Guetta. Enchanté, moi aussi. Bah, ouais. Moi d'abord. Alors bon, qui était là avant l'autre? Alors nous avons le vrai David Guetta, le mais non, DJ. Mais oui, c'est pas un faux David Guetta, non, parce que c'est ça. Non mais c'est un autre David Guetta. Mais je veux dire, nous on a le David Guetta peut-être plus connu que le David Guetta qu'on a en ligne. D'accord, mais c'est... Je comprends rien. David, vous faites quoi dans la vie, monsieur Guetta? Moi, je suis chauffeur. Chauffeur. Bon, bah vous êtes peut-être. Alors nous avons David Guetta, DJ, compositeur. Oui, bah c'est bon, je connais. Mais... Est-ce que vous... Alors la question que je suis obligé de poser, est-ce que David Guetta aime écouter les musiques de David Guetta? Bah ouais. Voilà, ouais. Et bah c'est la base. Voilà. Bah merci, c'est sympa. À bientôt, monsieur. Bon courage. Oui, bon courage. Allez, j'en ai trouvé un autre en Isère. Il a pas compris. Ouais, j'en ai un autre en Isère. Tu as le nouveau, goodbye. C'est le nouveau. Ah, bravo. Ouais, j'espère. David m'a confirmé. Vous êtes David Guetta? Oui, allô? Qu'est-ce qu'il y a comme David Guetta en France? Vous êtes David Guetta? Oui, qui ça, l'appareil? Monsieur Guetta, je vous présente David Guetta. Bonjour, ça va? Oui, bonjour. Eh ben, on est sur Énergie et on fait le tour de David Guetta. On appelle tous les David Guetta de France. Bah, voilà. Et parce que moi aussi, en fait, je m'appelle David Guetta par hasard. Vous êtes le DJ, alors? Voilà, c'est ça. Exactement. Ah, vous me connaissez alors? Ah bah oui, je vous connais. Bah je me sers pas mal de ce nom C'est énorme. Pourquoi vous servez au restaurant? Pourquoi pour, vous servez? En même temps, c'est son nom. Non, mais pour pour choper, hein. Voilà, on va dire. Le mec, il s'est fait un profil Tinder David Guetta, il y va. Hein. Il y va, il en profite, hein. Mais je suis vraiment avec David Guetta, le DJ. Oui. Ouais, vraiment. Ah, c'est cool. Ah bah franchement, j'aime vraiment ce que vous faites et bah voilà, c'est cool. Non mais on peut se tutoyer entre cousins quand même. Ouais bah ça se trouve. Mais hey, moi quand j'essaie de séduire des filles, bah, je leur dis que j'ai un lien de parenté. Hein. Ah, alors ça marche. Attends, t'es en train de me dire que tu t'appelles David Guetta et tu vas voir des filles en disant je m'appelle David Guetta, mais en plus je suis en famille avec David Guetta. Elles sont assez cons pour le croire. Elles sont assez cons pour croire que dans la famille Guetta, ils ont appelé tous les enfants David. À 30%, ça marche. C'est génial. Je vais essayer moi aussi. Il est fantastique. Tu vois, lui aussi il a ses cartouches, mais c'est pas les mêmes. On vous embrasse, monsieur Guetta. Bonne soirée. Allez, à bientôt. Salut David. Il y en a un qui est un peu plus péchu que l'autre quand même. Oui, j'avoue. Bon David, qu'est-ce que je te souhaite de beau? Là, tu vas partir à Madrid, que tout se passe bien. C'est moi ou ils sont un peu mous tous les David Guetta? J'ai envie de dire, est-ce que tu n'as pas pris toute l'énergie pour toi tout seul? Et t'as vidé, est-ce qu'il n'a pas vidangé les autres David Guetta? Exactement. 17h, 20h, c'est Koé sur Énergie. Tá tudo bem, tu também tá tudo bem. Vamos ver se tu tá bem. Bem, bem, bem, bem, bem, bem. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin.

I'll show mine if you show yours. Oh. Hey, hey. Sur Énergie. Bon réveil tout le monde, on se fait un petit point horoscope avant de se refaire le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Énergie, l'horoscope. Oui, pour cette journée, les béliers, Mercure souligne qu'il est temps d'attaquer. Les taureaux, vous avez des arguments solides, il faut vous en servir. Les gémeaux, évitez de disperser votre énergie. Les cancers, vous obtenez un feu vert pour avancer sur un projet important. Les lions, instabilité passagère entre la famille et le travail. Et les vierges, votre curiosité est un plus. Les balances, le meilleur se joue avant la mi-journée. Les scorpions, le beau temps revient enfin avec une bonne nouvelle. Les sagittaires au travail, évitez de foncer sans visibilité. Les capricornes, ce soir, l'amour vous tend les bras. Les verseaux, vos activités sont exigeantes et votre forme un petit peu moyenne, attention. Les poissons, une lune amie relance un projet important pour vous. Voilà pour l'horoscope, une belle journée avec nous sur Énergie. Quelle radio double votre salaire en vous réveillant le matin? Énergie. C'est gagné. Vous raccompagne à la maison en vous éclatant. Énergie ! Est-ce que vous avez un micro dans le supermarché ? Me dites pas non, je l'ai déjà vu. Est-ce que... Chers clients, écoutez Koé tous les soirs de 17h à 20h sur Énergie. Quelle radio vous offre 50 000 euros avec la playlist suprême ? Énergie ! Quelle radio vous fait découvrir les plus grands hits des plus grandes stars toute la journée ? Énergie ! Énergie, it's music only.

Tu veux la plus fraîche

sera viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopé de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Virilité abusive. Virilité abusive. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Ouais, vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, j'espère que ça va ce matin, on est mercredi, avant 6h, retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie, 0800 70 42 48 pour lui parler en direct comme chaque matin. Et avant ça, hier matin dans l'émission sur Énergie, ouais, parce qu'on se fait le meilleur de Manu dans 6-9, hier matin on a parlé premier rendez-vous, écoutez. C'est Manu dans le 6-9. J'ai trouvé une liste de questions totalement étranges que les gens ont vraiment posé à un premier rendez-vous. Ouais, okay. Ouais. Écoutez bien. Tu gagnes combien par an? C'est pour savoir si on se revoit. Oh, c'est moche. Ah, c'est ça. Oui, mais t'as quand même envie de voir la réponse. Bon. Autre chose. Est-ce que tu as déjà bouché les toilettes? Oh. Ah, pas glamour. Ah non, pas glamour, ah, hein, ouais. Premier rendez-vous. Ah, le cracra, quoi. Ouais. Ah oui, puis si la réponse est oui. Oh. Ah non. Si on vivait dans un monde infesté de zombies, comment tu survivrais? Voilà. Ça, c'est tordu comme question. Ouais. C'est tordu, mais c'est intelligent. Parce que tu sais que tu vas t'en sortir. Enfin, si tu peux t'en sortir ou pas avec la personne que t'as en face de toi. Imagine, Paulette, t'as les zombies, mm-hmm. Comment tu t'en sors? Je me cache. Ok, bah. Eh ben, c'est pas de deuxième rendez-vous. Hein. Une dernière question totalement étrange que les gens ont vraiment posé un premier rendez-vous. Tu aurais 1000 euros à me prêter? Oh la vache. Voilà. Et là, t'espères que la réponse soit oui. Là. Et là, il y en a deuxième, troisième, quatrième rendez-vous. Quelle est la question la plus étrange qu'on vous ait posée à un premier rendez-vous? Ou alors peut-être que vous avez posé une question à un premier rendez-vous et après vous vous êtes dit « Ouh, celle-là, j'aurais pas dû la poser. Ouais. » Paulette? Ouais, moi, il y a un mec qui m'a demandé « Est-ce que tu comptes te couper les cheveux bientôt ?» Donc moi, j'étais là, c'est hyper chelou comme question. J'ai mais une mauvaise coupe, je suis moche, ça va pas. Mais parce qu'en fait, il m'a avoué qu'il fantasmait sur les filles aux cheveux avec un carré. Brune. Donc il fallait que tu te teignes et que tu te coupes les cheveux. Bah ouais. Du coup, j'imagine qu'il n'y a pas eu de. Bah du coup, il n'y a pas eu de chute. Il n'y a pas eu de chute. Autant qu'il le fait pas lui, qu'il n'arrive pas avec une paire de ciseaux. Et... je peux te couper les cheveux, c'est ça. Quelle horreur. T'es prête à faire l'amour? Oui. Ah, deux secondes. Veuillez enfiler ce petit peignoir. Je vais vous faire un tie and dye. Glandu? Moi, une fille m'avait demandé est-ce que t'es gaucher ou droitier? Ah ouais. Et je lui ai répondu que j'étais gaucher et bingo. Je sais pas pourquoi, elle adorait les gauchers. Ça l'excitait terriblement, les gauchers. Ah. Et elle était pas trop droitier, je sais pas pourquoi. Ah, oui, j'aurais beaucoup ça, mais j'ai eu de la chance. J'avais une chance sur deux, et voilà. Ah, bien vu. Ouais, la drague la plus facile du monde. Sur Twitter, avec le hashtag Manu dans le 6-9, il y a Séverine qui dit « On m'a demandé, tu manges combien de fois par jour ?» Oh. Mais non. Oh, et le glouton. Elle est morte en dessous de 8 fois, je ne vois pas la personne. Il y a Alain sur Twitter aussi qui dit « Paniqué, j'ai demandé, et ta mère, elle est mignonne ?» Non. C'est compliqué, c'est, ça. C'est gênant, c'est il drague la mère ou alors il veut savoir comment elle sera plus grande. Ça, ouais. Oh, très mauvaise idée. Ouais. Ça. Quelle est la question la plus étrange qu'on vous ait posé un premier rendez-vous ou que vous avez posé un premier rendez-vous, Nico? Moi, c'est moi qui l'ai posé. C'est aussi en rapport avec la mère. J'avais demandé à ma femme, est-ce qu'on peut prendre un selfie pour ma maman? Justement. Oh mon Dieu, mais pourquoi t'as fait ça? Parce que je suis hyper proche de ma mère. Je l'appelle 3 fois par jour et à chaque fille que je rencontrais, c'était pas beaucoup. Hein, du coup, bah à chaque fois, j'envoyais un petit selfie pour que ma mère. C'est que ta relation avec ta mère, un jour ça va mal se terminer. Tu vas rentrer avec ta femme, tu seras chez toi, tu dis on se met au lit, qu'il y aura dans le lit. Ta mère. Il faut casser le cordon à un moment. Isabelle? Non, je me disais peut-être que Nico savait que ça allait être la femme de sa vie et ah ouais. Du coup, voilà, il voulait la montrer à sa mère. Ouais, j'étais content. Quoi. Et non, c'est mais, attendrissant. Non, quand il même. L'a fait aussi avec moi, donc. Ouais. Ingrid, bonjour. Bonjour à toi, Ingrid. On t'a posé une question étrange à un premier rendez-vous? Oui, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui m'a demandé si j'aimais les oignons ou pas. Ouh là là. Mais pourquoi il t'a demandé ça? Alors, dans un premier temps, je me suis demandé si c'était une question d'haleine. Ah oui, c'est, oh la vache, c'est horrible. Oh, c'est dur. Et c'était pas ça, donc? Mais non, en fait, il détestait les oignons et en fait, il en mettait dans absolument aucun de ses plats. Et ça avait été une source de discorde et de problèmes avec son ex parce qu'en fait, voilà, elle en mettait partout et ça faisait des choses pour lesquelles il s'était séparé parce qu'il détestait ça. C'est génial, ça, à raconter à ses amis. Non, mais là, on s'est séparés après 10 ans de mariage. Les oignons, c'était... ça devenait insupportable. Elle mettait les oignons partout. Merci de nous avoir appelés, Ingrid. On t'embrasse fort. Bisous à tous. Gros bisous. Sur Twitter, il y a Marie qui dit: on m'a posé cette question, tu as déjà vu un mort en vrai? Oh là là, là. Oh là, là. Alors non, et je veux pas. Je pars du restaurant. Tout à l'heure, 6h-9h30, Manu, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Take a seat right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing. très bien comment gérer sa vie. Charismatique, elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Elle va tout assumer. Bienvenue sur Énergie, 5h55. Oh, heureusement que c'est la fin de la journée, je suis épuisé. Ah ouais, bien. Wow. Soyez les bienvenus sur Énergie. C'est une blague. Oui. Ah, oh là parce que Glandu avait déjà fait son sac, c'est pour ça. Ah, ouais, je t'ai fait à partir. Hein. Pas me le dire deux fois. Oh, la journée est passée vite. Soyez les bienvenus sur Énergie. On démarre dans 5 minutes. C'est Manu dans le 6-9. On est de retour comme chaque matin pour démarrer ensemble cette journée, pour créer ensemble cette journée. Mais avant ça, c'est notre petit moment à nous. Ah oui. C'est notre petit moment où on se retrouve tous. Mmh. Pas tous. Non, parce que la plupart des gens dorment encore. Mmh. La plupart des gens ne sont pas là avec nous. La plupart des gens ne connaissent pas ce qu'est la vraie vie. Et la vraie vie, c'est maintenant, c'est le club du 555. Ah. Pourquoi le club du 555? Parce qu'un jour, telle une révélation, j'ai eu ce nom qui m'est apparu. Ah, c'est bon. Comment? Ah, non. Parce que j'ai regardé l'horloge. J'ai dit, oh, il est 5h55. Ah, ouais. 555. Ah, wow. Wow. Wow, c'est pour ça que je suis chef. Incroyable. Et désolé pour vous. Et tous les matins, 5h55, on se fait un petit plaisir. On s'écoute un titre qu'on n'écoute pas dans l'émission. Mm-hmm. Un titre qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Ça peut être une nouveauté, ça peut être un vieux titre. Aujourd'hui, les amis, c'est l'anniversaire de Mylène Farmer. Wow. Ah. Mylène Farmer aujourd'hui a 57 ans. C'est pour ça qu'on va s'écouter un bon Madonna. Non, alors je n'ai, non, honnêtement, il y a beaucoup de titres de Mylène Farmer que j'aime. Mm-hmm. Mais là, le matin, j'ai pas envie de me mettre dans un cimetière. Ouais, j'ai pas envie de sentir les corbeaux tourner autour de moi. Mais j'aime beaucoup Mylène Farmer. Et mais je me dis, voilà, Madonna, Mylène Farmer, presque le même âge, même génération, même style. Je suis sûr que Mylène Farmer, elle parle anglais aussi. On va s'écouter Madonna. J'aurais pu dire directement on s'écoute Madonna. Oui. Mais je souhaite un bon anniversaire à Mylène Farmer et je pense que cet hommage la touche directement. Don't tell me sur NRJ. 5h56, soyez les bienvenus. Je sens que cette journée va être belle. Bon réveil. Don't tell me to stop. Tell the rain not to drop. Tell the wind not to blow. Cause you said. isn't true. It's just something that we do.